Charlie & Co. Charlie and Co. Charlie & Co. Bonjour à tous, comme d'habitude sur Fadjet, Charlie & Co vous emmène en balade sonore dans les quartiers de Nancy et son agglomération à la rencontre de ceux qui les animent, associations, événements solidaires ou culturels, initiatives citoyennes, tout type d'action des acteurs locaux sur le territoire. Et aujourd'hui, on vous présente l'association Silence Parlait. Et comme d'habitude, on démarre notre périple du 47 rue Charles III des studios de Fadjet. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. Et direction le quartier de l'Axou Province. On remonte la rue Charles III, on traverse la voie ferrée et on continue par la rue de Mont-Désert et tout droit jusqu'à l'avenue de l'Europe à l'Axou. Et nous voici arrivés à la salle Christian Corel. C'est ouvert, alors on entre. Elle s'est fait, hein, voilà. Elle rentre. Non, elle vous saute. Si, elle vous saute. Non, non, c'est moi qui décide. Bah voilà, vous la laissez rentrer. Monsieur Olivier Niclou, vous êtes président de l'association Silence Parlait. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous donner sur cette association? Quelles sont ses activités? Bonjour, alors oui, l'association est, Silence Parlait est née en 2002 à la volonté de différentes personnes et de différentes cultures en vue d'installer un dialogue entre les habitants du quartier des provinces. Et donc on développe beaucoup d'actions de solidarité envers tous les habitants avec en plus un agrément d'espace de vie sociale. Et vous accueillez différents publics, il me semble, différentes générations peut-être. On accueille les enfants, on accueille les adultes, les personnes les plus âgées, pour différentes activités. On a des personnes du quartier qui viennent également pour les paniers solidaires, parce qu'on fait aussi de l'aide alimentaire pour les personnes qui ont des moyens un peu restreints. Monsieur Wardi Afian, coordinateur de l'association Silence Parlait. Donc déjà, quel est son but à l'origine, vraiment son objectif premier? Eh bien, c'est pas très compliqué. On permet l'accès aux loisirs et à la culture aux familles du quartier, donc sur différentes tranches d'âge. Hein, ça va des enfants jusqu'aux personnes âgées, comme vous avez pu le constater. Et puis, des activités plus spécifiques ciblées pour les jeunes. Donc, on organise aussi des chantiers jeunes avec des contreparties loisirs. Donc, on fait travailler les jeunes quand ils sont disponibles pendant les vacances. Et en échange, ils peuvent bénéficier de séjours de loisirs et d'activités sportives. On a ouvert depuis pas longtemps aussi un Repère Café. Enfin, on a lancé le Repère Café qui fait partie du projet de tiers-lieu. Donc, avec un bénévole qui s'est proposé pour venir nous aider sur cette question-là. Comme vous avez pu le constater, ce lieu sert aussi à accueillir des seniors qui viennent se retrouver ici trois fois par semaine pour faire des jeux de société, boire un café, échanger, discuter. Effectivement, c'est vraiment un lieu de vie. On a installé maintenant cette association qui a été reconnue espace de vie sociale. Et en termes d'effectifs bénévoles, salariés, on est sur combien à peu près? Combien de bénévoles, combien de salariés? Alors les salariés actuellement, c'est pas compliqué. On est 5 salariés actuellement. On est en cours de recrutement pour trouver de nouvelles personnes et puis aussi accueillir des jeunes en service civique parce que ça fait partie aussi des missions qu'on s'est fixées. Et puis en termes de bénévoles, en fait, on a 12 personnes qui pilotent l'association, tous habitants du quartier ou presque, ou des rues adjacentes. Et en termes de bénévoles dits ponctuels, on a des gens qui viennent se joindre à cette équipe-là quand c'est nécessaire pour nous filer un coup de main. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend des moments. Il y a des fois où il y a beaucoup plus de gens qui s'impliquent et des fois où il y a une équipe de pilotage de 12 personnes qui gère l'association. Bah voilà, vous la laissez rentrer. Attends, c'est pas possible ça. Hein. Ça commence. Hein. Et donc j'assiste maintenant à une compétition de petits chevaux. Grande compétition. Ça va voler très haut et ne vous inquiétez pas, on est bon enfant. C'est toi qui as touché. J'aime bien d'être ici, on joue aux petits chevaux, on s'amuse, on raconte des bêtises, on fait ci, on fait ça. Et puis voilà, ça change la vie de dehors. Hein, et puis... et vous venez depuis combien de temps dans cette association? Ça fait 21 ans, moi. 21 ans. Oui, oui. C'est très convivial. Moi quand il arrive le dimanche, j'ai hâte d'être le lundi. Hein. Ah, moi aussi. Le nom de l'association, c'est Silence Parlait. Est-ce que vous... parlez, vous avez fait des rencontres. On parle avec les dames. C'est depuis que je viens ici que je joue. Hein. Ah oui. Et vous venez depuis combien de temps ? Alors moi, depuis 3 ans, parce que ma fille faisait un service civique ici. C'est là que j'ai connu l'association. Parce qu'un jour, on a eu besoin de moi. J'étais dans mon journal, elle m'a appelé. Est-ce que tu sauras faire les devoirs ? Je lui ai dit oui. Alors depuis, je n'ai jamais quitté l'association. Et donc, vous êtes aussi bénévole ici ? Moi, je suis bénévole et je fais tout. Je suis multifonction. En fait, dès qu'on a besoin de moi, on m'appelle, je viens. En fait, j'ai un petit fil à la patte. Et tant qu'on ne me l'a pas coupé, au revoir. Tant qu'on ne me l'a pas coupé, je reste ici. Alors, et vous aimez la couture ? Alors, c'est pas toutes les dames-là. Il n'y en a pas qui viennent, c'est des autres personnes qui viennent. Enfin, tout le monde est. Tout le monde peut venir. Enfin, un atelier couture de 14h à 16h30 tous les mardis. Et vous cousez quoi ? Eh ben, les gens ramènent ce qu'ils ont à faire, s'ils ont quelque chose à faire. Sinon, là, on prépare le marché de Noël pour le mois de décembre. Donc, on fait des petites choses de Noël. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis salariée à la petite broque de l'Axou depuis mai 2023. C'est quoi la petite broque exactement ? Alors c'est une recyclerie là où les personnes nous font des dons et nous on les nettoie, répare pour pouvoir les revendre à bas prix après. Et on peut trouver quoi à la petite broque ? Alors vraiment de tout, des habits, des chaussures, de la vaisselle, de la déco, même des meubles, des gros meubles, vraiment de tout. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent acheter ici ? Alors ça dépend des jours on va dire, mais comme c'est le début, ça dépend des jours, des mois on va dire, mais on compte faire beaucoup plus de pubs pour qu'il y ait beaucoup plus de monde à l'avenir. Bonjour madame, donc là vous faites le tour de la petite broque, c'est ça ? Oui, je viens assez souvent, pratiquement, allez, on va dire 2-3 fois par semaine. Je viens éventuellement pour mes petits-enfants acheter, pas spécialement pour mes petits-enfants, pour mes enfants aussi. On trouve des choses intéressantes à bas prix. Et puis voilà quoi, donc. Et puis il y a une très bonne ambiance. On descend un peu la rue et on arrive dans les salles dédiées aux cours de français langue étrangère, le FLE. Et je retrouve Fatma et ses élèves pour le cours de cet après-midi. Présent, j'ai l'impression qu'il veut bien. Bonjour. Alors moi je suis Fatma, je suis animatrice famille au niveau de l'association Silence Parler, là depuis bientôt 4 ans. Alors aujourd'hui, on est au cours de français FLE, français et langues étrangères, pour le groupe A2. Ce sont le groupe qui savent déjà bien parler le français, mais qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances. On accueille à peu près une trentaine d'usagers qui viennent pour les cours de français, justement. Qu'est-ce que vous faites pendant le cours ? Alors, ça va dépendre du niveau. Je suis souvent accompagnée d'une bénévole, qui aujourd'hui est Colette, donc qui vient en soutien par rapport aux cours qui sont déjà préparés, à la méthode qu'on va suivre. Donc on commence souvent par la date, la présentation, et là on commence le cours. Donc là aujourd'hui on est sur la gym tonique. On parle de la gym tonique, du sport qu'ils aiment bien faire. Et donc on part sur un texte et on va le travailler pendant 2 heures. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres activités Alors moi je fais tout ce qui est le pôle parentalité, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est en lien, les relations enfants-parents. Alors pour cela, on a plusieurs activités. Le premier, ce sont les cafés des parents. On réalise un café des parents par mois. On va choisir un thème qui est à peu près à la demande des usagers. Et on va inviter des professionnels qui sont, eux, compétents dans leur domaine de compétences, qui vont venir parler avec eux. Voilà. On a d'abord le professionnel qui va présenter un petit peu le thème. Et après, on va avoir surtout des échanges. Ensuite, on a tout ce qu'on va faire pendant les vacances scolaires. Donc, c'est plutôt la deuxième semaine, parce que la première, on aura les enfants. Donc, la deuxième semaine, on fera plutôt ce qui est atelier bien-être. Donc, ça peut être fabrication de savon, de liquide vaisselle, de produits de beauté. Et c'est uniquement par enfant ou il peut aussi y avoir les grands-parents ? Je ne sais pas, est-ce qu'on balaye plus de générations ? Oui, les grands-parents aussi sont invités avec leurs petits-enfants. Donc, c'est vraiment les relations grands-parents-enfants, petits-enfants et enfants. Voilà. Après, on a, vous avez vu tout à l'heure, l'accès au droit. Oui. Une fois que le cours est fini, on est un petit peu sollicité pour tout ce qui est démarches administratives, pour faire une petite photocopie, une impression, ou je n'ai pas compris ma feuille, est-ce que tu peux m'expliquer ? On peut aussi les accompagner par rapport à leur projet de vie, c'est-à-dire on les reçoit ici pour des cours de français, et après on les suit, on les aide à faire des CV, des lettres de motivation, pour les rediriger vers une profession plus tard. Donc je suis actuellement au cours de français en langue étrangère, donc le FLE. Depuis quand vous prenez des cours de français ici ? Depuis l'année dernière, je suis là. Et j'avais mon fils qui était là aussi. On est au devoir. Là, il est au collège. Est-ce que vous aimez bien ici ? Est-ce que vous avez pu rencontrer du monde ? Oui, justement. J'aime bien ici parce qu'ils sont gentils. Ils sont tous sympas. On est très solidaire. Et vous venez plusieurs fois par semaine ? Deux fois par semaine. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Tu l'as dit tout à l'heure. Quel sport ? On a dit oui, c'est vrai, nous aussi on n'aime pas. Je suis avec Camille, qui est salariée à l'association Silence Parler. Bonjour Camille. Bonjour. Moi, je suis animatrice jeunesse, donc je m'occupe principalement de tout ce qui est enfants et adolescents. Et je donne aussi des cours d'informatique pour les personnes, pour les adultes. Et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement dans ces cours d'informatique ? Tout. En ce moment, ils sont sur la création de dossiers. Ils galèrent un peu parce qu'en fait, vu que c'est des personnes âgées, ils n'ont pas encore l'habitude d'utiliser tout ce qui est outils numériques. Et là, je les fais apprendre tout à partir de la base, donc l'utilisation de la souris, du clavier, la découverte de Windows, création de dossiers, rangement, tout ça. Et après, peut-être sur la partie aide aux devoirs, un peu plus jeunesse, est-ce que vous participez aux activités ? Comment ça se passe ? Alors l'aide aux devoirs, c'est tous les jours de la semaine sauf le mercredi. Donc là, on aide les enfants avec leurs devoirs quand ils ont des difficultés à l'école. On fait aussi le mercredi après-midi des activités ludo-éducatives. Donc là, c'est plus de l'animation. Donc on fait des activités manuelles, on fait des sorties, de la peinture, etc. Et je fais aussi des ateliers avec des jeunes, donc de 11 à 18 ans, les mercredis soirs de 17h à 19h. Où là, c'est pareil, on essaye de faire un projet à l'année. Donc en général, on essaye d'associer un peu de numérique dedans parce que c'est le but. En ce moment, les jeunes sont très numériques, donc on essaye de les attirer un peu avec ça. Puis on fait aussi d'autres animations et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez dans l'aide aux devoirs, Sylvie ? Déjà le contact avec les enfants et j'adore leur faire faire leurs devoirs. Ça me rappelle quand je travaillais à la crèche. On fait des jeux là-bas. Après, on fait des dessins. Ouais. Après, on fait des activités. On prend des ardoises et on fait des écritures dans les ardoises. Tu t'appelles comment ? Elisa. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici ? On travaille. Après, quand on a fini de travailler, on joue des jeux. Avant de se quitter, on vous rappelle quelques infos. Vous pouvez retrouver l'association Silence Parlait à la salle Christian Corel dans le quartier de l'Aix-sous-Provence, rue du Président Schumann. Les activités y sont variées et leur premier objectif est de rompre l'isolement et de favoriser le développement du lien social. Vous pourrez par exemple retrouver des cours de français en langue étrangère le lundi et le vendredi pour le groupe A2 et le mardi et le vendredi pour le groupe A1, donc les grands débutants. On peut également retrouver une recyclerie qu'on appelle la Petite Broque, ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et également présente sur Facebook. On peut retrouver différentes sorties qui sont organisées par l'association, une sortie famille dans les Vosges le 14 octobre, une autre sortie famille à Walligator le 27 octobre, ainsi qu'un loto à la salle Colin le 18 novembre. On vous invite donc à découvrir toutes ces activités en vous rendant directement à la salle Christian Corel ou bien en appelant le 06 87 37 26 32. Voilà, Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite pour de nouvelles aventures dans les quartiers de Nancy et son agglomération. En attendant, retrouvez tous les podcasts sur le site de la radio www.fadjet.net. Ciao !